Chapitre 272. L'interdiction de soupçonner sans raison valable les musulmans. Allah Ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Ô vous qui croyez, évitez d'avoir trop de soupçons, car certains soupçons sont des péchés. Sourate 49, verset 12. 1573. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Méfiez-vous des soupçons, car rien n'est plus trompeur que le soupçon.